Vous écoutez Le Grain de Sable, Valérie Blouin au micro, et c'était la chanson « Ma liberté » de Georges Moustaki que vous venez d'entendre. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Alors, c'est tout un monument qui nous a quittés cette semaine, n'est-ce pas? Tout un monument, en effet. Vous le disiez en début d'émission, Valérie, Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée. Moustaki était un artiste engagé. Plusieurs lui ont rendu hommage dans les médias cette semaine. On a entendu toutes sortes d'hommages un peu partout. À notre tour, mais en présentant trop brièvement, hélas, quelques-unes de ses chansons, en commençant par une que nous avions fait jouer dans sa version anglaise le 26 janvier dernier, La marche de Sacco et Vanzetti. En fait, Moustaki a repris en français la chanson de Johann Baez, L'affaire Sacco et Vanzetti. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce sont deux anarchistes d'origine italienne, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, qui ont été au cœur d'une controverse judiciaire survenue dans les années 1920 aux États-Unis. Moustaki était plutôt à la gauche de la gauche. Mais c'était un artiste libre. On l'a vu, ma liberté, c'est très symbolique de ça. C'est vraiment quelqu'un qui est constamment à la recherche de sa liberté individuelle. Donc, c'était un artiste à gauche de la gauche. D'ailleurs, l'ancien candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle française, la dernière, Philippe Poutou, qu'il s'appelle, pour qui le chanteur avait appelé à voter en 2012. En fait, il avait appelé par sympathie à voter pour Poutou, a salué cette semaine la mémoire d'un homme engagé. Là, je vais citer Poutou. On était très proche de ses idées. A-t-il dit ce qu'il pouvait représenter en rappelant que le chanteur avait déjà soutenu Alain Krivine, qui était un homme politique français d'extrême gauche, en 1974. Alors, il était constant dans ses idées politiques, Moustaki. Nous, on retiendra évidemment, c'est toujours Poutou qui parle, on retiendra évidemment le combat politique et le côté révolté, contestataire de Moustaki contre un système économique, contre des sociétés d'oppression. D'ailleurs, il a participé à un concert contre l'Éthiopie. Bon, à propos de l'Éthiopie, il a participé à plein de concerts, d'événements comme ça dans sa vie pour soutenir ceux qui luttent contre l'oppression, contre ceux qui contestent finalement le pouvoir oppressif. Vous aviez une citation intéressante d'ailleurs avant d'écouter Sacco et Vanzetti. Ça serait fort intéressant d'écouter la citation. Oui, que tout vous avez à fait. Donc, trouvée. Vous l'avez mentionné, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'injustice, dénonçait l'injustice. Ah, constamment. Et justement, c'est quand vous avez choisi la chanson Marche de Sacco et Vanzetti, j'aimerais ajouter que justement, il était condamné à mort finalement là. En 1927. Ouais. C'était pour des crimes, mais il manquait de preuves. Donc, même, ouais. Il y a eu un mouvement de contestation sociale aux États-Unis également. Et Vanzetti, condamné avec Sacco à l'électrocution, donc répond le 9 avril 1927 au juge Tailleur. Alors, je cite, « Si cette chose n'était pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on nous prenne nos vies, vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. » Alors, fin de la citation de Vanzetti. Le malheur d'être anarchiste, hélas. Oui. Alors, on écoute « Marche de Sacco et Vanzetti », donc adapté de Georges Moustaki. Thank you. cœur. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais vous entendez présentement la marche de Sacco et Vanzetti, interprétée par Georges Moustaki. Alors, on rend hommage à Georges Moustaki qui est décédé le 23 mai dernier. Alors, Michel, l'engagement de Moustaki remonte quand même à plusieurs années, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si nos auditeurs en faisaient autant, mais moi, je chantais en même temps que Moustaki tellement cette chanson, elle est magnifique. Oui, Valérie, Moustaki s'est rapidement mêlé au contestataire de mai 68. Hein. Il était ailleurs, il était à l'étranger, il est rentré à Paris, il a pris sa guitare avec quelques amis, ils sont allés dans la rue carrément. Ce mouvement qui a profondément secoué la France de mai à juin 1968. Pour nos auditeurs qui voudraient faire la comparaison mai 68, qu'est-ce que c'est, hein, ceux qui n'ont pas connu cette époque? C'est un peu comme le printemps érable québécois, mais avec beaucoup plus d'ampleur. C'était vraiment une remise en question profonde de la France de l'époque. Moustaki partageait pleinement les valeurs 68-ardes. Il se trouve qu'une chanson qu'il avait composée quelques années plus tôt, qui avait pas tellement fonctionné. On avait dit oui, mais on... Parce que Moustaki a composé beaucoup de chansons pour beaucoup de compositeurs, beaucoup de chanteurs, à commencer par Piaf, mais aussi Reggiani, et enfin plein d'autres. Alors, cette chanson qu'il avait composée, donc qui était un peu dans les cartons, demeurée dans les cartons, elle va devenir célèbre dans la foulée des événements de mai 68. On écoute la chanson, c'est le Métèque. Ça sera pas bien long, je vais... Alors on va l'écouter à l'instant. Ça sera pas bien long, on écoute le Métèque de Georges Moustaki. Voilà. De métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Alors, c'était le Métèque, chanson de Georges Moustaki, qui a paru en 1969, et on sent bien l'environnement un peu multiculturel au début là, de cette chanson-là. Oui, donc, oui, il a grandi vrai. Vraiment avec les Juifs, Grecs, Turcs, Italiens, Arabes, Français. C'est vraiment... Il a énormément voyagé dans sa vie aussi. Il a connu des gens de toutes les nationalités. C'était un être charmant, il faut le dire, charmeur et charmant. Tout à fait, ouvert sur le monde. Ouvert sur le monde, effectivement. Puis, il a vraiment fait beaucoup de... Il a fait la profession quand même de journaliste. Oui, il était barman. Exactement. Oui. Il a fréquenté, c'est ça, plein de personnalités. 36 heures, effectivement, avant de finalement rencontrer Piaf. Et là, bon, qui a écrit Millard, en fait. Oui, il a écrit Millard pour Piaf, effectivement. Oui. Alors, c'était une très belle chanson. Ah, le Métèque, c'est magnifique. J'aurais de la difficulté, d'ailleurs, à choisir entre Ma liberté et le Métèque, si on me le demandait. Mais il y en a une autre magnifique que Moustaki nous laisse en héritage, c'est la chanson « Sans la nommer ». C'est une chanson qu'il a écrite en 1969, donc on est toujours dans la foulée de 68, et qu'il a interprétée pour la première fois au festival de l'île de Wight. Ça, c'est un festival qui était célèbre, je ne sais pas s'il existe encore, mais il a été longtemps célèbre, ce festival-là. Il y a plein d'artistes, les Rolling Stones, etc., qui se sont produits à ce festival-là. Je me rappelle d'avoir vu un spectacle, d'ailleurs, de Who, qui était au Festival de Wright. C'était vraiment le festival de l'époque. Elle va être reprise par de nombreux artistes. Dans cette chanson, Georges Moustaki veut rendre hommage à une femme sans la nommer. On apprendra à la fin de la chanson qu'il s'agit de la révolution permanente. Cette chanson a été, durant les années 70, un symbole des mouvements d'extrême-gauche et anarchistes. On écoute la chanson « Sans la nommer ». Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais... Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'était la chanson Sans la nommer de Georges Moustaki, qui personnifiait la révolution permanente. Donc, issu un peu des théories de Trotsky, entre autres. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, c'est ça, comment ne pas associer Moustaki à la quête de la liberté? En effet, Valérie, d'ailleurs, c'est la caractéristique principale de Moustaki. Oui, il a appuyé certains candidats à certains moments, mais toute sa vie, il aura défendu avec conviction sa propre liberté, refusant de se laisser enfermer dans un courant politique. Au fond, un peu comme son pote Brassens ou comme Léo Ferré, il était anarchiste, du moins dans son cœur. Donc, qui voyait un peu la société autrement. Mais c'était surtout, d'abord et avant tout, un homme qui chérissait profondément la liberté. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit porter en nous. La liberté d'être. La liberté. La liberté de faire, d'être et de faire ce qu'on veut, évidemment dans le respect des autres. Là. Tout à fait. Mais la liberté, c'est fondamental. Tout à fait. Et je vous laisse sur, semble-t-il, qu'une de ses devises était « L'homme descend du songe ». Ah, voilà, c'est excellent. Merci mieux beaucoup. Qu'une autre à laquelle on pense en écoutant ça. Oui, tout à fait. Merci Michel pour cette rétrospective sur Georges Moustaki. Et c'est déjà le moment de l'éditorial du président d'Atta Québec, Claude Vaillancourt. Alors, oui. De quoi parle-t-il cette semaine? Oui, il y a beaucoup de questions ces temps-ci de libre-échange. Hein. Il y a le traité avec l'Europe qui s'en vient peut-être pas, on ne sait pas trop. Là, c'est pas clair. Apparemment qu'il y aurait un accord qui serait imminent. Et Claude va parler d'un aspect, d'une dimension, de peu importe que ce soit l'accord de l'Europe et d'autres accords, d'une dimension de ces accords qui sont préoccupants, qui ont même des effets pervers, sont les fameuses clauses de protection des entreprises étrangères. On écoute Claude Vaillancourt, Claude qui, je le répète, est président d'Attaque Québec. En apparence, il semble nécessaire de protéger les investissements étrangers. Après tout, ceux-ci sont nécessaires à l'économie, ils créent des emplois et ils sont risqués. On va donc concevoir des accords pour soi-disant les promouvoir et les protéger. Mais ces accords sont surtout nuisibles. Ils permettent à des grandes compagnies de poursuivre les gouvernements si ceux-ci adoptent des politiques ou des lois qui ne leur conviennent pas. On va créer pour ces compagnies une justice parallèle, des tribunaux privés qui siègent les portes closes et qui délibèrent en fonction de l'intérêt des entreprises. À la fin des années 1990, on avait conçu un grand accord international pour arriver à ses fins, l'accord multilatéral sur l'investissement. Lorsqu'il avait été révélé à la population, grâce à une fuite, il a tellement choqué qu'on a dû le retirer. Malgré tout, les accords sur la protection des investissements se sont multipliés depuis, avec beaucoup plus de discrétion. On les retrouve dans les accords de libre-échange, comme dans le fameux chapitre 11 de l'ALENA, qui a soulevé plusieurs objections. On peut aussi conclure des accords qui portent uniquement sur l'investissement. comme celui que le Canada a signé avec la Chine, et qu'ils n'osent pas ratifier tellement les Canadiens semblent perdants. Les Chinois sont en général assez peu respectueux du libre-échange et ont des compagnies bien implantées ici, prêtes à se servir de cette entente pour se renforcer sans qu'on ne trouve la réciproque. Dans différents pays, on commence à s'inquiéter de ces accords signés par milliers sans qu'on ait vraiment débattu des conséquences. L'Argentine, qui a voulu reprendre son économie en main après la terrible crise de 2001, a été la principale victime des compagnies privées et a dû subir 51 poursuites selon une étude de l'ONU datant de 2012. Le Canada occupe le 6e rang avec 17 poursuites, mais il ne faut pas oublier les poursuites beaucoup plus nombreuses dans le cadre de l'ALENA. Ces poursuites sont coûteuses et portent atteinte à la capacité des États de légiférer dans l'intérêt public. Elles permettent aux lobbyistes de menacer les gouvernements, de les poursuivre si un projet de loi ne leur convient pas. L'Australie a été échaudée par une poursuite de la compagnie de cigarettes Philip Morris. Depuis, elle refuse de négocier ce genre d'entente. L'Inde a adopté la même attitude et se permet d'aller plus loin. Elle veut remettre en cause les traités déjà négociés. Ce que souhaiterait faire aussi l'Afrique du Sud. À la fin d'avril, des gouvernements de 12 pays d'Amérique latine, dont l'Argentine, le Mexique, l'Équateur, le Venezuela, se sont réunis pour trouver une réponse commune devant ce type d'accord qu'il faut cesser de négocier selon eux. Le bilan effectué des poursuites est très négatif et les pousse à agir efficacement. Et le Canada dans tout ça? Non seulement il ne remet rien en question, mais il s'apprête à négocier la protection des investissements étrangers dans l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, dans le partenariat transpacifique avec 10 pays de la zone du Pacifique, et il veut aussi conclure 12 traités bilatéraux sur l'investissement qui se joindraient aux 35 qu'il a déjà signés. Et le Québec? Notre gouvernement se trouve lié par les ententes négociées par le Canada. Mais puisqu'il a été invité aux négociations de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, il a eu une réelle occasion d'intervenir sur la question. Le PQ en a délibéré lors de son Conseil national tenu les 11 et 12 mai. Un amendement à une proposition portant sur l'ACG, donc l'accord Canada-Union européenne, demandait que l'accord ne comporte pas de dispositions sur l'investissement. Cet amendement a été battu. Pour un parti souverainiste et prétendument de gauche, ce choix est surprenant pour ne pas dire consternant. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercial@ckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 2575 poste 210. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne veux plus te chasser de mon... Le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz manouche avec Ben Charret et l'Orchestre de Belleville. Swinging Belleville, rendez-vous! Dans le cadre du 10e anniversaire des Triplettes de Belleville, Ben Charret et 6 musiciens vous offriront la musique de ce film nominé aux Oscars et lauréat de César. Musiciens, projection du film et même bruiteur en direct. Le 30 mai, vivez la musique à son meilleur avec Ben Charret et l'Orchestre de Belleville. Arrivez dès 19h pour la soirée thématique. Détails au palaismontcalm.ca. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsay, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. We see. Nous sommes de retour. Vous écoutez présentement Le Grain de Sable sur les ondes de CKRL 89.1. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez devenir membre de CKRL pour seulement 25 $ et ceci aide à soutenir financièrement la station. Et puis, vous sachiez également que toutes nos émissions sont en rediffusion, en balado-diffusion sur le site de ckrl.qc.ca et vous pouvez cliquer sur l'onglet Le Grain de Sable le samedi à midi. Je suis en compagnie maintenant de Renaud Blais. Rebonjour, Renaud Blais. Oui, une chronique spéciale aujourd'hui. Donc, Renaud Blais est un militant altermondialiste depuis une douzaine d'années, qui est également inscrit depuis 2012 comme Indien, comme Huron-Wendat, à part entière, métis et fier de l'être. Et ici, aujourd'hui, dans le fond, tu seras comme président de la coopérative d'habitation, un toit à toi. D'où l'importance dans ce pays nordique d'avoir un toit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et tu veux nous parler aujourd'hui d'un débat qui existe dans le monde des coopératives d'habitation. Ouais. Je souhaite vous communiquer des informations autour d'un débat qui existe dans le monde des coop d'habitation, avec nos fédérations régionales et la Confédération québécoise. Une étape importante de ce débat sera franchie cette fin de semaine lors d'une assemblée générale de la Confédération à Joliette. La Confédération des coopératives d'habitation, un schisme est prévisible. Il y aura un débat et fort probablement un vote très divisif. Parce que mon évaluation des forces en présence, là, c'est presque moitié-moitié. Fait que c'est bon. Ça va être serré. Oui. Puis ça risque de passer parce que la moitié est du côté de ceux qui questionnent le projet. Oui, je suis bien curieuse de connaître quel est ce fameux schisme. Mon propos est évidemment polémiste. J'ai pas du tout un point de vue journalistique. Je présente un des deux points de vue, mais je vais tenter de vous situer aussi le point de vue inverse pour vous permettre de comprendre la nature du débat en question. D'un côté, parce que là, quand on parle de débat, il y a souvent comme un ring à droite, à gauche. D'un côté, des membres de coopératives d'habitation dites d'accès à la propriété souhaitent, comme membres de leur fédération régionale, être mieux représentés par celle-ci. Et c'est là le débat. Notez bien que le débat ne se situe pas sur la pertinence de l'existence de ce type de coopérative d'habitation, mais sur la représentation qu'elles souhaitent obtenir de la part de leur fédération et de la confédération. C'est ça qui fait débat. Nos fédérations ont la mission d'être les seuls représentants sur leur territoire des coopératives d'habitation. Si schisme il y a, c'est le monopole de représentation qui pourrait certainement être mis en cause. Alors, d'un côté, les membres de coop dites d'accès à la propriété, ou en adhérant à ce type de coop, on achète son appartement. OK, donc c'est comme des condos maintenant. Mais justement, on parle de coop d'habitation. On n'est pas dans des condos. Très grossièrement, là, ce type de coop existe et elle a comme mission de permettre à ses membres d'accéder à la propriété. Ce qui veut dire que ces coops n'ont pas de convention de signer avec la Société d'habitation du Québec pour offrir du logement social. Il n'est donc pas question ici de logement social, mais d'accès à la propriété. Dans ce type particulier de coopérative, les membres y investissent en achetant leur logement, et quand ils quittent la coop, ils peuvent le revendre et avoir droit à une partie de la plus-value potentielle. C'est là une façon de profiter d'efforts collectifs pour apprendre et devenir propriétaire immobilier. Si tout ça se faisait sans apport de fonds publics, ce serait sans problème. Mais ce n'est pas le cas. Ces promoteurs souhaitent obtenir constitution d'un fonds en provenance en bonne partie de fonds publics pour démarrer ces coops. Nous croyons que cela va à l'encontre des revendications qui ont mené à la création des coops constituées pour offrir du logement social. Alors, justement, l'autre type de coop est beaucoup plus connu et répandu. Ici, dans la région de Québec, on parle d'une sur 200, les coops d'accès à la propriété, une sur 200. Et à Montréal, il n'y en a aucune. Et le type le plus répandu des coops est celui où une partie des membres, le maximum étant de 50%, bénéficie d'un logement subventionné. Une partie des membres paie alors en fonction de leurs revenus. Comme ceux-ci signent des baux au même prix que les autres membres, la différence entre leur capacité de payer et le prix que reçoit la coop est payée par le gouvernement suivant une convention signée avec la Société d'habitation du Québec. Alors, donc, là, on voit que les fonds publics sont vraiment... donc, on a vraiment besoin de le fonds public pour ces gens-là, mais est-ce que c'est comme un HLM? Ben, c'est justement pas un HLM parce que... D'abord, la très grande majorité de ces coops d'habitation ont été mises sur pied suite à une longue bataille de citoyens qui ont décidé de mettre en commun leurs ressources et énergie pour mieux se loger. Faut que je fasse ici une petite parenthèse. On parle de coops qui ont été constituées suite à des luttes citoyennes. C'est vrai en ville. On me dit qu'en région, c'est moins vrai. Il y a des coops qui ont été mis sur pied souvent par des groupes qui, par exemple, ils voulaient construire une coop pour que leurs parents restent dans la municipalité, puis là, ils se font une coop, bon. Puis il y a des gens... À ce moment-là, c'est souvent des coops de solidarité qui incluent une vocation habitation. Mais c'est pas la majorité. Alors, je continue. Notez que, pour le gouvernement, les villes contribuent aussi un peu là, dans le développement des coops d'habitation. Le gouvernement, donc, est tenu, de par les chartes, d'offrir à ses citoyens un logement décent. Le gouvernement profite alors du fait que ces coops sont gérés bénévolement par leurs membres et ainsi coûtent beaucoup moins cher en fonds publics que de construire des HLM et d'en assurer la gestion. Lors de la création d'une coop, le gouvernement finance une partie des coûts de construction et de rénovation, parce que des fois les coops sont créées en achetant des vieux immeubles, et les membres de la coop paient le reste en assumant d'importantes hypothèques. Ceux-ci assument eux-mêmes toute l'administration, bénévolement, et sont contraints, selon les règles de la convention avec la Société d'habitation du Québec, de constituer un fonds dit de réserve de remplacement, ce qui leur permet d'assumer eux-mêmes les coûts des rénovations éventuelles. Alors, voilà pour certaines considérations générales. Maintenant, moi, j'ai appris que ce débat existait quand j'ai participé, comme représentant ma coop, à l'Assemblée générale annuelle de notre fédération. Ici, dans la capitale nationale, c'est la FECHAC, Fédération des coopératives d'habitation de Québec et Chaudière-Appalaches. Lors de cette assemblée générale, le 26 janvier dernier, au moment d'adopter son plan d'action pour 3 ans, le débat s'est fait sur un amendement. La proposition mise sur la table disait, je résume dans mes mots, « Nous devons nous ouvrir à la diversité des types de coopératives. » C'est-tu beau, ça? Allons-y! Sauf que une personne se pointe au micro pour formuler un amendement à la proposition. En fait, je n'ai pas le libellé exact encore, mais le projet d'amendement modifiait la phrase de présentation pour y ajouter quelque chose comme « Nous continuerons d'étudier la question avant de s'aventurer dans cette ouverture à la diversité. » L'amendement a été retenu et la proposition amendée a été adoptée sur division. 14 pour, 12 contre. On l'a échappé belle. Alors, merci Renaud pour cette mise à jour. On va poursuivre après cette chanson. On écoute Zep, Zone d'expression populaire, dans leur interprétation de la chanson « Sans la nommer » de Georges Moustaki. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on drague. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit. fumée ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Vous venez d'entendre le groupe Zone d'expression populaire dans leur interprétation de la chanson « Sans la nommer » de Georges Moustaki qui personnifie la révolution permanente. Et je suis en compagnie de Renaud Blais, avec qui aujourd'hui il nous parle d'un débat dans les coopératives d'habitation. Et je te laisse poursuivre sur ce débat. Bon, je vous ai précédemment dit que j'avais été mis au fait, moi, de ce débat-là quand je participais à l'Assemblée générale de ma fédération. Depuis, je me suis beaucoup informé sur les tenants et aboutissants de ce débat-là. Tous les membres des coops d'habitation au Québec reçoivent régulièrement le magazine publié par la Confédération québécoise des coopératives d'habitation qui s'appelle les coop. Mais là, il faudrait que je l'épelle, on est à la radio, c'est L'Echo-HOP. Les coop. Et c'est là que j'ai trouvé le point de vue sur cette question de la FECHIM, qui est la Fédération des coops de Montréal, Laval et Laurentides. Cette fédé regroupe presque 50% de toutes les coops du Québec. En Assemblée générale annuelle, en avril 2012, ils ont adopté une résolution unanime. Il y a à peu près 80 coops qui étaient présentes et qui ont voté. Donc, unanime. Une résolution unanime, dont voici quelques extraits. Bon, nos demandes à la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, c'est la FECHIM qui écrit. La FECHIM met en commun avec le réseau qu'est la Confédération québécoise des coopératives d'habitation une partie significative de ses ressources pour accroître la force collective du mouvement, pour le promouvoir, le développer et offrir à ses membres des services de qualité. La Confédération elle-même a des ressources très limitées. Voilà déjà quelques années que ses ressources collectives sont investies dans cette initiative pour le développement de coopératives favorisant l'accès à la propriété, qui est loin de faire l'unanimité dans le mouvement. Le conseil d'administration de la FECHIM, s'appuyant sur les résolutions de son Assemblée générale annuelle, demande à la Confédération québécoise des coopératives d'habitation les éléments suivants. De cesser tout investissement humain ou matériel dans cette formule coopérative favorisant l'accès à la propriété. De respecter la représentativité de la FECHIM et les décisions prises par ses instances. De renoncer à promouvoir tout nouveau modèle de coopérative d'habitation qui incorporerait à ses objectifs l'accès à la propriété et qui ferait appel à des fonds publics pour ce faire. De s'opposer à tout nouveau modèle de coopérative d'habitation qui aurait pour conséquence de permettre à l'État de se départir d'une ou de plusieurs de ses missions fondamentales. De promouvoir un modèle de coopérative d'habitation dont le contrôle est d'abord et de façon nettement prépondérante entre les mains des membres qui y résident. De promouvoir de nouveaux modèles qui intégreraient la mixité sociale au sein des coopératives d'habitation. D'explorer les nouveaux modèles qui respectent ces principes et d'organiser un débat structuré au sein du mouvement autour de cette question. C'est là que j'ai constaté que notre résolution adoptée sur division ne faisait pas de nous des intégristes extrêmes. Ce point de vue est vraiment plus radical si on compare continuer d'étudier la question et renoncer à promouvoir. Tu sais, c'est vraiment cesser tout investissement humain ou matériel. Quand je parle de schisme, là, le président de la FECHIM m'a dit que si on va de l'avant avec ce projet lors de l'Assemblée en fin de semaine, la FECHIM quitterait la Confédération. Alors, c'est quand même... C'est très important. Impact. C'est presque 50% des coops du Québec. Là. Alors, s'il quitte... Ben, s'il quitte, c'est là le schisme. Puis ça veut dire que la Confédération ne les représentera plus. Fait qu'eux autres, ils se représenteraient, mais avec une option plus militante que ce qu'on... En tout cas. Ici, à Québec particulièrement, nous sommes plusieurs coops qui résultent de combats épiques. Pensez à l'escalier sur René Lévesque en face du ministère des Affaires internationales, par exemple. Nous sommes donc plusieurs membres de coop dans la région à croire que notre fédération régionale n'est pas suffisamment militante et ne nous représente que mollement. Une bonne partie du personnel préfère fonctionner par un lobby bien entretenu et profiter des programmes de développement des logements sociaux existants et de travailler à leur maintien. Il y a eu, par exemple, ici à Québec, récemment, une manif nationale organisée par de vrais militants pour du logement social, soit le Frappru. Pour bien du monde à la FECHAC, le Frappru, ce sont des radicaux, des extrémistes, et etc. Il y a là un fossé. Je pose la question. Où en seraient les programmes de développement de logements sociaux si le Frappru n'était pas là? Il n'y en aurait pas et nos coops n'existeraient pas. Les programmes de développement de logements sociaux sont même inscrits dans les chartes des grandes villes depuis les dernières fusions. Ce qui n'était pas le cas de plusieurs avant les fusions en question. Ces programmes gouvernementaux sont le fruit de batailles citoyennes. La réalisation technique, c'est une chose, mais de militer pour que ces programmes gouvernementaux existent, c'en est une autre. Ce que cela veut dire, c'est qu'autant dans les villes qu'au gouvernement du Québec, c'est la même chose pour Ottawa. Il faut que ce type de projet soit inscrit dans les programmes des partis politiques. Ensuite, il faut que cet élément soit retenu dans les plateformes électorales. Ça, c'est ce qu'on retient du programme d'un parti pour se lancer en campagne électorale. Ensuite, au moins, il faut que le leader ou un lieutenant en vue dans ce parti qui gagnera en parle durant la campagne. Donc, on dit qu'il faut mettre ça dans l'actualité de la campagne électorale. Ensuite encore, il faut qu'une fois élus, les dirigeants respectent leur programme. Alors, voyez-vous comment on arrive à faire en sorte que la société civile fasse valoir son point de vue. Le travail de lobby, ce n'est pas suffisant. Ben, regardez, il existe d'autres stratégies pour obtenir les faveurs d'un gouvernement. Prenez par exemple le Parti libéral du Québec avec son nouveau chef, Jean Charest, qui affirme en campagne électorale « On va baisser les impôts ». Je vous laisse entre les mains de Mme la juge Charbonneau pour savoir quels moyens ont utilisé ceux qui souhaitaient entendre Charest prononcer ces mots. Mais combien ces quelques mots ont coûté, coûtent et continueront de coûter aux contribuables québécois? C'est environ 10 milliards par an récurrents. À côté de ça, les coûts des logements sociaux au Québec, c'est des peanuts. Alors, après ces quelques mots de Militants 101, on peut conclure que sur le débat de l'AGA, donc de la Confédération québécoise des coops d'habitation. Le résumé est très simple. De façon un peu caricaturale, il y a des promoteurs de l'ouverture à la différence chez les coops d'habitation. C'est Thibault comme formule. S'ouvrir à la différence. On croirait entendre un économiste de l'Institut économique de Montréal. Voyez-vous la perspective de quelques-uns qui visent à s'enrichir personnellement et individuellement et qui surtout souhaitent se servir du réseau des fédérations des coop et leurs confédérations mis en place par des militants qui se battent depuis des années pour voir se développer du logement social. Tout ça pour concentrer dans leur poche personnelle des compétences et des richesses. Tandis que les promoteurs du développement du logement social qui créent des coop justement pour exclure ces quelques logements basés sur la mixité de la spéculation foncière, pour permettre à des gens qui le souhaitent de construire collectivement en mettant des ressources et de l'énergie en commun pour beaucoup moins cher que les HLM. Parce que c'est géré bénévolement et que personne ne prend des dividendes d'actionnaires à la fin de l'année. Donc c'est clair. Sur ce, chères auditrices et auditeurs, profitez bien de l'été, surtout pour ne rien faire. Ce sont les plus zen d'entre nous qui vivent vieux. Portez-vous bien. Merci Renaud pour cette phrase philosophique. Je voulais savoir pour les auditeurs qui seraient intéressés à connaître davantage ou à suivre cette... Suivez l'actualité parce que l'Assemblée générale de la Confédération a lieu en fin de semaine à Joliette. OK. Alors, il y aura peut-être des médias qui vont nous en parler. Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait bien du monde qui les a invités. Bon, alors à suivre. Et je me tourne maintenant vers Michel pour justement d'autres événements à surveiller cette semaine. Oui, Valérie, en passant, moi qui ai présidé une coop d'habitation jadis sur la colline parlementaire, je suis bien au fait de ce que Renaud a dit et... on était une coop où il y avait un mélange de gens justement qui avaient un soutien pour demeurer en place et je trouve que c'est une formule beaucoup plus intéressante que les HLM en passant. Mmh. Ce mélange social, ce mélange des générations, c'était vraiment un milieu de vie fort intéressant. C'était la coop vie de quartier, là, l'ancien bon pasteur dans la Haute-Ville. Très beau projet de coopérative. Alors, cette semaine, c'est toujours, j'en avais parlé la semaine passée, le Festival du film de films d'environnement de Québec. Ça, c'est au cinéma Cartier. C'est jusqu'au 30 mai. C'est organisé en collaboration avec les Amis de la Terre de Québec. Si vous voulez, si les gens veulent, je répéterai pas tous les films, là, je l'ai fait la semaine passée. Si les gens veulent avoir des détails, ils peuvent aller au www.cinemacartier.com, /film, au pluriel, /programmation. Mais je suis certaine que si les gens vont à cinemacartier.com, ils vont avoir accès à la programmation. Ensuite, 25 et 26 mai, ah, ça, c'est à Montréal. Il arrive parfois qu'on souligne des événements à Montréal. C'est le projet Écosphère. C'est un événement environnemental de l'année. C'est à l'esplanade du Parc olympique. Le projet Écosphère à Montréal 2013, donc, c'est un programme engagé et diversifié sous le signe de l'environnement. Il y a 250 exposants, 30 conférences, une foire environnementale, de l'animation, des activités pour tous et toutes. C'est le groupe... Le groupe Écosphère, c'est un organisme à but non lucratif. Et il va y avoir deux éditions, en fait, de cette foire environnementale multidisciplinaire. Il y en a une à Montréal, donc je viens de le dire, 25-26 mai. Fin de semaine, hein. Il y en a une à Brome les 21-22 septembre prochains. C'est entièrement consacré au développement durable et à l'environnement, ces deux foires écologiques, qui ont pour but principal d'informer et de sensibiliser le grand public en réunissant les principaux intervenants du domaine environnemental. Si les gens veulent savoir plus, ecosphere.org. 27 mai, consultation publique sur le journalisme indépendant, ça risque d'être fort intéressant. C'est au tiers-temps, ça, c'est au 595 rue de Saint-Vallier-Est à Québec. À l'approche des états généraux sur le journalisme indépendant qui se tiendront cet automne à l'initiative de l'Association des journalistes indépendants du Québec, AJUQ, vous savez, Valérie, nous, on n'est pas des journalistes comme tels, mais on fait du journalisme indépendant en un sens. C'est le journal Ensemble, le journal qui invite les citoyens, journalistes et indépendants et le média indépendant à participer à des rencontres de consultation partout au Québec. Alors, donc, il y a une tournée qui s'est mise en place. Il y a un document de consultation qu'on peut consulter. Et, donc, on peut se rendre le 27 mai au tiers-temps à compter de 14 heures. Et si on veut en savoir davantage sur cette tournée, on peut aller au www.journalensemble.coop /tournée. Le journal Coop, en passant, j'invite les gens qui ne le sont pas à s'abonner à ce journal Ensemble, à s'abonner à ce journal-là. C'est un journal qui vaut la peine, fort intéressant. Ça vaut la peine de soutenir de ce genre d'initiative. 27 mai, toujours, les ruelles de Limoilou. Ça, c'est intéressant. On est dans le quartier Limoilou. Ici, c'est KRL. C'est la Société historique de Limoilou qui présente, en fait, c'est Marie-Pierre Marcoux qui va présenter les ruelles de Limoilou. On se rend au 1185 avenue de la Sarre. On peut s'y rendre l'autobus, le circuit numéro 3, le circuit 801. Ça, c'est gratuit, cette activité-là, 27 mai à 19h. Petite dernière rapidement, le 31 mai, cabaret roustique pour les jonglerettes et le projet de bateau-spectacle. Ça, c'est au bar Coop Lagité, au 251 rue d'Archester à Québec. Jonglerie, équilibre, clownerie, gumboats, danse tribale et autres chichenneries. Je savais pas le dire. correctement. Le tout sous une thématique russofolesque avec musique électro-swing. En fait, l'objectif, c'est de soutenir un projet de création artistique en Sicile avec Marie-Ève Gaudreau et Laura Benestan. C'est le collectif Les Jonglerettes. Et les projets bateaux spectacle de Michael Cartier-Carrier. Ça, c'est 10 $ cette activité, 31 mai, 20 h. Un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Alors, c'est déjà le mot de la fin. Je tiens à remercier le président d'Ata Québec, Claude Vaillancourt, pour son éditorial. Et également, merci à Renaud Blais pour la chronique spéciale du débat qui va avoir lieu sur les coops d'habitation. Je vous invite à suivre l'actualité pour plus d'informations. Et également, Michel Monnette pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci d'être là. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1, l'onglet Programmation, et vous accédez le samedi midi, le grain de sable, et vous allez pouvoir réentendre cette émission. Sinon, vous avez également le site d'Ata Québec, attaque.org, et également notre blog legraindesable.qc.org que je vous invite à consulter. Et vous avez vraiment les émissions, toutes les émissions qui ont eu lieu depuis décembre 2011. C'est déjà l'heure de vous... Et même de là, je le précisais, Valérie, même de là, on peut avoir accès aux archives des émissions, donc on peut reculer même dans le temps. Oui, c'est ça, jusqu'en décembre 2011, exactement. Oui. Mais merci de le préciser, Michel, et donc j'en profite. La prochaine heure, ce sera encore à votre compagnie. J'invite les auditeurs à rester à l'écoute. Oui. Vous nous proposez aujourd'hui de 13h à 14h. J'ai choisi un certain nombre de chanteuses françaises, donc chansons françaises autour du thème du couple. Sur le couple. Sur plusieurs chansons ironiques à travers ça. Et moi, c'est intéressant. Tout à fait, je poursuivrai à 14h jusqu'à 15h à Kekalor. Donc, restez avec nous cet après-midi. Et je vous dis pour un rendez-vous la semaine prochaine, la dernière émission du Grain de Sable pour la programmation de printemps 2013, samedi midi. Valérie Blanc qui était avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89. Québec. Lundi le 3 juin de 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation estivale de CKRL. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour vous délecter de notre bière, la CKRL. Au bal du Lézard, 1049 3e Avenue, le 3 juin de 15h30. On vous attend. Ceci est un message d'alerte pandémique. Veuillez rester calme, condamnez vos portes et vos fenêtres et n'ouvrez à personne sous aucun prétexte. Les détails de la catastrophe vous seront communiqués le 28 mai 20h à Premier Acte. L'Homme qui a vu l'ours et CKRL présentent, dans le cadre des chantiers, la lecture publique de « Encore une histoire de zombies, puis ça se passe ici » de Maxime Perron, le 28 mai 20h à Premier Acte, dans une mise en scène d'Olivier Lépine avec Marjorie Audet, Gabriel Fournier et Maxime Perron. Informez-vous sur carrefourtheatre.qc.ca/chantier. Du 13 au 16 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 30e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira de Québec pour Tadoussac de la gare du Palais vendredi le 14 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche le 16 juin à 13h de Tadoussac. 20 $ par trajet. Paiement sur place en argent comptant. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 80.